Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Louis XIV, l'homme derrière le roi soleil. Louis XIV a transformé tous ses actes de vie courante, il les a transformés en actes politiques. Alors la musique à Versailles a aussi une dimension politique. Mais il comprend bien, lui, roi de France, qu'on ne peut pas à la cour de France, si on veut être crédible artistiquement, entendre de la musique italienne et finalement de la musique qu'on entend dans toute l'Europe. Donc Louis XIV va essayer, il va même réussir très rapidement, à créer un style national. Tout est politique chez Louis XIV, même la musique, nous disent ici Béatrix Saul et Benoît Dradvic, tous deux rattachés au château de Versailles. Pas facile dans ce contexte de dissocier l'homme du roi. C'est pourtant l'homme, justement, qu'on essaiera tout de même de mieux cerner dans ce numéro d'Aujourd'hui l'Histoire. Qui était Louis XIV? Quel genre d'homme était-il? Cet homme à femme était-il beau? Ce roi soleil, incarnation du pouvoir absolu, était-il l'homme accessible, qu'on dit? Voilà quelques-unes des questions que l'on abordera dans ce portrait le plus intime possible de Louis XIV. Louis XIV est le plus flamboyant des rois de France. Partout dans le monde, il est le roi soleil. Jamais avant lui, un souverain n'a porté si haut la majesté royale au point de mettre en scène les plus infimes détails de sa vie quotidienne. Nous devons à Louis XIV la création de notre État, les frontières de notre hexagone et surtout Versailles, cet extraordinaire palais qui résume aux yeux du monde toutes les gloires de la France. Louis Dieudonné, c'est son prénom, grandit sous la menace de la Fronde. À 20 ans, il décide d'assumer le pouvoir et il aura pour seul objectif de renforcer encore et toujours son autorité. À ce nouvel Apollon que l'on qualifie de plus grand roi du monde, rien ne résiste, ni les forteresses de l'Europe, ni le lit de ses très nombreuses maîtresses. Mais ce règne sans éclipse est aussi le plus long de l'histoire. Stéphane Bern, l'animateur de Secrets d'Histoire diffusé à France 2, qui évoque dans l'extrait de cette émission qui date de 2012 la grandeur de Louis XIV. Mais qui est donc l'homme derrière ce roi soleil? Hélène Delalex est attachée de conservation du patrimoine au château de Versailles. Elle a coécrit l'ouvrage Louis XIV pour les nuls. Elle a aussi signé le livre Louis XIV intime, publié chez Gallimard en 2015. Hélène Delalex, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Vous dites dans votre livre, Hélène Delalex, que le plus grand roi, Louis XIV, ce plus grand roi, quand il meurt, l'Europe entière, on dit le roi est mort et on sait de qui on parle. Vous dites le plus grand roi du monde est aussi le plus secret. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'on connaît plutôt mal cet homme qu'on croit pourtant si bien connaître? Absolument. On a l'impression maintenant de tout connaître du règne, le grand bâtisseur, le roi architecte, le roi de guerre. Mais finalement, dans ce règne immense, Stéphane Bern le disait, le plus long règne de l'histoire de France, 77 ans, eh bien, l'homme semble toujours échapper, à la différence d'ailleurs de Louis XV et Louis XVI. Et pourquoi? Eh bien, parce que, cet homme, finalement, c'est aussi la part la plus négligée, finalement, des manuels d'histoire. Il semble toujours échapper parce que c'est un homme profondément secret, et ça on le sait dès l'enfance, parce qu'on a la chance, la grande richesse du XVIIe siècle, c'est toutes ces mémoires qui sont publiées, qui donnent un siècle fourmillant de vie, et on a les valets de chambre de l'enfant Louis XIV qui nous ont laissé ces mémoires, et on a un Louis XIV déjà très grave, très secret, donc il est naturellement, il hérite cela de son père, et puis il va le devenir encore plus dans l'exercice du pouvoir, et notamment évidemment par la formation de Mazarin, ce sphinx un peu sibyllin, qui va lui apprendre aussi à gouverner, notamment gouverner par le secret. Et donc, ça peut sembler extraordinaire, finalement, au public d'aujourd'hui, que cet homme le plus représenté de l'histoire de France, de l'histoire même, depuis les empereurs Auguste et Alexandre, cet homme qui a vécu chaque instant de sa vie en public, finalement, échappe autant. Ouais, parce que sa vie est une vraie mise en scène. Dès le lever, les gens sont là. On assiste, au fond, à la vie de Louis XIV. C'est presque de la télé-réalité avant l'heure. Oui, tout à fait. Homme secret, dites-vous, homme profondément humain, dites-vous également. Parlons-en de cet homme, de sa personnalité, de son caractère. D'abord, c'est un timide, Louis XIV. Oui, cela aussi peut paraître étonnant pour le roi soleil. On pourrait imaginer une personnalité écrasante. Or, c'est un homme, justement, qui échappe parce qu'il est secret, on l'a dit, et par sa grande timidité, qui n'est pas une interprétation des historiens, qui est un fait tout à fait clair. Les contemporains connaissaient parfaitement la timidité de Louis XIV, hérité de son père qui avait un tempérament un peu ombrageux et mélancolique, et qui se manifestait bien par ses silences. En fait, Louis XIV est un roi très silencieux. On dit qu'il parle parle d'une manière laconique, hein, c'est-à-dire il dit beaucoup de choses finalement en peu de mots. Et cette timidité, lui-même la reconnaît dans ses mémoires, hein, à la date de 1661, du 10 mars, c'est la date la plus importante du règne lorsqu'il prend le pouvoir, et dans un passage qui est remarquable de sincérité de la part de Louis XIV, eh bien il dit qu'il va prendre le pouvoir et il dit que cette timidité, il emploie le terme dans ses mémoires, qui lui faisait toujours de la peine quand il devait prendre la parole en public, eh bien le bloquait et il est arrivé à la surpasser. Voilà. Il sait qu'il doit la combattre, cette timidité. Il sait qu'il doit la combattre, vous avez tout à fait raison, et ça va créer finalement chez Louis XIV aussi cette timidité surpassée, eh bien cette maîtrise absolue de lui-même qui est le fondement de sa psychologie, cette possession de soi où finalement il construit sa personnalité de roi et il masque son âme pour offrir ce visage un peu impénétrable du monarque absolu. Ce qui fait que ce timide deviendra en quelque sorte intimidant parce que très en contrôle et très charismatique aussi. C'est tout à fait cela. D'ailleurs, Saint-Simon, hein, le célèbre mémorialiste, parlera d'une effrayante majesté avec ce terme qui est resté. C'est-à-dire que ce qui constitue vraiment le... on pourra en reparler, mais finalement la beauté du roi, c'est avant tout son aura, sa majesté qui... par de sa démarche très particulière qui est décrite justement de ce silence, de sa manière de répondre, de sa manière de se mouvoir. Cette majesté est vraiment particulière au roi, il l'incarne vraiment profondément. Un autre aspect qui moi en tout cas m'a étonné, parce que c'est le grand Louis XIV, ce roi soleil dont on parle, c'est un homme, donc un homme très très, l'homme le plus puissant du monde. C'est quelqu'un d'accessible, c'est quelqu'un d'attentionné, de gentil. Oui, de très doux en fait. Ouais. Et ça, ça lui vient de sa mère qui lui a rappelé pendant son enfance justement que le roi, c'est aussi le premier gentilhomme de son royaume, hein, et dont il doit avoir ce comportement moral absolument exemplaire. Et la courtoisie dont vous parlez, cette extrême politesse, hein, nous disent les sources, c'est aussi une manière de se protéger, hein, aussi une manière finalement de se mettre à distance. Mais en tout cas, les témoignages sont très nombreux sur finalement la douceur en fait qu'il a aussi avec les gens qui le servent au plus près, ses valets, qu'il respectait profondément. On a beaucoup d'anecdotes qui nous racontent, par exemple, un jour à son lever en plein hiver, un valet lui tend une chemise glacée qu'il a oublié de faire chauffer et il lui sourit gentiment en disant qu'il lui tendra brûlante en été. D'autres anecdotes. Il ne supporte pas de méchanceté autour d'une table, par exemple. Alors, ce qui est très, très clair, effectivement, quand j'ai recoupé toutes les sources de ces mémoires, ce qui revient le plus souvent chez tous les commentateurs, c'est qu'il n'a jamais élevé la parole en public, il n'a jamais reproché quelque chose en public. Pourquoi ? Parce que dans ce système qu'il a créé, ce système de cour, eh bien, il sait le poids de sa parole, qui la moindre remarque négative pourrait reléguer quelqu'un dans le néant. Et donc, il ne reproche jamais en public. Et on a une anecdote très émouvante avec Colbert, l'homme du siècle. On est à Saint-Germain-en-Laye, un jour Colbert hurle contre le roi parce que au Conseil des ministres, il est jaloux, il ne se maîtrise plus. Tous les gens sont absolument pétrifiés en attendant la réaction royale et la disgrâce. Ouais. Et en fait, Louis XIV ne dit rien et il lui écrit une lettre tout à fait tendre 2 jours plus tard, donc une lettre à Colbert, pour lui dire que évidemment c'est toute l'amitié, le service, la mémoire de ce service qui fait qu'il s'est contrôlé et que la préférence qu'il donne à d'autres ne lui enlève pas d'affection. C'est tout à fait émouvant. Hein. Vous évoquez Hélène de Lalex, la figure maternelle, celle d'Anne d'Autriche, elle sera très très importante pour lui. De quelle manière ? Vous avez raison, Anne d'Autriche, c'est, on pourrait dire, la première femme de sa vie et ça va imprimer aussi l'image qu'il a des femmes. Anne d'Autriche, elle a une très grande proximité avec Louis XIV. Il faut se rappeler qu'elle l'a attendu 23 ans. 23 ans, la France entière attend le dauphin comme un nouveau messie. Donc finalement, cet enfant, il l'a sauvé. Il lui a redonné sa dignité de reine. Et en contrepartie, Louis XIV admire beaucoup sa mère. Il faut se rappeler qu'Anne d'Autriche est une reine régente après la mort de Louis XIII. Donc une reine qui a le pouvoir. Et il admire sa majesté, il admire son autorité. C'est Anne d'Autriche, pendant la Fronde, qui a défendu le pouvoir qu'elle transmet intact à son fils. Et donc ils ont une très grande proximité, ce qui va d'ailleurs rendre très jaloux Louis XIII, qui va essayer essayer de les séparer pour finalement rétablir la normalité qui est qu'une mère n'est pas aussi proche de son fils à l'époque. Hein. Et donc Anne sera, sa mère sera la première femme de sa vie. Il y en aura beaucoup d'autres. Louis XIV sera un homme à femme. On y revient dans un instant. Mais question bébête, est-ce qu'il est beau? Est-il un bel homme? Alors si on lit les mémorialistes, la Palatine ou même la Grande Mademoiselle, c'est le plus bel homme de son royaume, de tous les autres. Enfin, il faut moins les écouter parce qu'elles sont secrètement très amoureuses du roi. Mais enfin, le mot beau revient partout. Mais bon, là aussi, il faut prendre de la distance. Hein. C'est le plus beau, bien sûr, mais c'est le roi. Donc, dans un monde de courtisans, c'est normal. Mais on a une bonne description, comme justement, on en parlait de... Il est très fier de sa grande chevelure léonine, comme ça, qu'il dit naturellement enflée, qui tombe souplement sur les épaules. Ça va être donc un drame lorsqu'il va le perdre. Et puis, un corps assez athlétique, un corps de danseur. Hein. C'est un, il a une discipline... Un des plus grands danseurs du royaume. Absolument, tout à fait. Mais on a aussi des témoignages qui relèvent les défauts du visage du roi. Ses joues un peu pleines, et d'ailleurs marquées de la petite vérole qu'il a eue à l'âge de 9 ans. Son nez qui n'est pas aquilin comme Apollon, mais qui est un peu bourbonien, c'est-à-dire non symétrique. Et puis, voilà, d'autres petits défauts piquants. Le menton un peu plein à la Habsbourg, hein, qu'il hérite de sa mère. Donc, il n'est pas d'une parfaite beauté, mais encore une fois, c'est cette aura, en fait, qui est si difficile à décrire et qui est décrit par le terme beauté. C'est vraiment ce caractère très impressionnant, mélange d'autorité et de douceur, justement, qui constitue sa vraie beauté. Les femmes de Louis XIV, celles qui suivront sa mère, si je puis dire, on y vient tout de suite. La première, un grand amour, je pense qu'on peut parler d'un amour vrai, ce sera Marie Mancini. À nouveau, un extrait de Secret d'Histoire. Marie Mancini, c'était le bouton noir de la famille Mancini. Elle était très indocile. Elle n'en faisait qu'à sa tête. En plus, elle passait pour laide parce qu'elle était maigre. Et on les aimait dodus à ce moment-là. Elle aimait beaucoup la poésie, la littérature, les arts. Et on peut dire qu'elle a dégrossi sur le plan artistique Louis XIV. Et si Louis XIV est devenu un grand amateur d'art, eh bien, il le doit en bonne partie à cette petite jeune fille. De ma vie, je n'aimerai que toi. Vous allez épouser l'infante. Je vais faire mon devoir de roi. Et il a fallu que le roi se ressaisisse, Mazarin insistant beaucoup pour que... Vous ne serez pas un vrai souverain si vous ne maîtrisez pas vos propres passions. Et le roi a compris cela. Et c'est à ce moment-là, peut-on dire, qu'il est devenu Louis XIV, le vrai Louis XIV. Alors, Marie Mancini, quelle importance elle aura pour lui? Eh bien, Louis XIV, toute sa vie, il a été très attaché à ce qu'on l'aime pour lui-même. Ça va être le cas, d'ailleurs, avec Louise de la Vallière. Et lorsqu'il apprend, effectivement, cet amour sincère et désintéressé de Marie Mancini, il en est profondément touché. Et c'est vrai que ça va être son premier amour. Marie Mancini, votre extrait le dit très bien, c'est tout sauf les canons de l'époque. Elle est maigre, elle est brune, on dit qu'elle a un teint de pruneau alors qu'on adore la blancheur. Mais elle a beaucoup d'esprit, elle est très piquante, très cultivée, très frondeuse aussi, très audacieuse. Et ça, c'est caractéristique. On séduit Louis XIV par son esprit. Ça va être vrai pour les trois femmes de sa vie. C'est vraiment... D'ailleurs, l'esprit, c'est l'arme absolue au XVIIe. Hein, et donc, c'est véritablement son premier amour. Il commence déjà à l'appeler marraine. Et comme le dit très bien Jean-Christian Petit-Fils, c'est bien ce renoncement pour raison d'État. Alors qu'il s'est acharné. Hein, il a même menacé Mazarin de disgrâce. Il a tout essayé. Ensuite, il s'est jeté à ses genoux. Il l'a menacé. Enfin, rien ne marchait. Mais il a fini par se rendre compte... Pour que cet amour survive. Ouais. Tout simplement, épouser Marie Mancini. Mais finalement, et d'ailleurs, Mazarin commençait à avoir peur que cette petite gamine désobéissante, comme on disait, va ruiner l'œuvre de sa vie, qui était donc la paix franco-espagnole. Ouais. Hein. Louis XIV devait épouser l'infante pour assurer la paix entre ces deux pays qui se battaient depuis 25 ans. Et ça se passe au même moment, en fait. Et on est en train de le marier à cette infante d'Espagne au moment où il est amoureux fou de Marie Mancini. Absolument. Et on aura notamment la description de la dernière entrevue qu'il négociait avec Marie Mancini, où il est en route pour Madrid pour aller épouser l'infante, et un adieu bédé de larmes qui est extrêmement romanesque, bien sûr, et qui va inspirer Racine, sa pièce Bérénice, qui est exactement sur ce sujet. Bérénice, reine de Palestine, ne peut pas épouser Titus, empereur de Rome, pour raison d'État. Alors sa vision, donc il fait très bien, il comprend que la raison d'État l'oblige à s'éloigner de Marie Mancini. Sa vision des femmes, en un mot, Comment il les voit, les femmes? Il fait le départage, ça on le comprend bien. À ce moment-là, il comprend qu'il ne peut pas s'abandonner à ses passions, mais sinon... Alors, justement, pour résumer, on dit toujours les femmes, Louis XIV, hommes à femmes. Il faut bien séparer deux choses. Finalement, il y a eu peu de femmes dans la vie de Louis XIV. Il y a eu son épouse, Marie-Thérèse d'Autriche, mais trois favorites. Et la dernière n'étant pas une favorite, Madame de Menthon, était son épouse morganatique. Donc, trois femmes. Et puis, c'est ce que les mémorialistes appelaient aussi les petites maîtresses, ou même des maîtresses à éclipse. C'est tout à fait amusant, parce que des petites maîtresses d'une heure, mais finalement qui ne comptaient pas beaucoup. Mais la vie de Louis XIV, elle se construit véritablement avec ces trois femmes. Et il a une vision très respectueuse des femmes. Il va partager beaucoup de choses avec elles. Par contre, jamais le gouvernement. Oui. Ce serait l'objet d'une autre émission, ces trois femmes importantes qui suivront Marie Mancini, Louise Lavallière, Madame de Montespan, Madame de Maintenon. Mais on ne peut pas tout faire dans une émission. Le temps file. Parlons de son amour des arts. Marie Mancini, c'est plutôt la littérature, je pense, qu'elle va lui apporter. Mais déjà, Mazarin l'amène sur des terrains très fertiles sur le plan artistique. Une anecdote peut-être, celle de la guitare, parce que ça nous dit, on revient à la personnalité du roi, qui il est, on ne décide pas normalement de jouer de la guitare. C'est pas l'instrument à l'époque qu'on privilégie. Pourtant, Louis XIV décide de faire de cet instrument sa passion. Qu'est-ce que ça nous dit sur lui? Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a même un historien de la musique, Philippe Bossan, qui parlait du syndrome guitare. C'est-à-dire que finalement, cette anecdote de la guitare nous montre bien que le roi, il peut être extrêmement tenace dans une décision, alors que cette décision est contre tous les usages. Et effectivement, lorsqu'il a 9 ans, et que comme tous les princes, on lui apprend le luth, qu'il ennuie prodigieusement, il demande à apprendre la guitare, ce qui est l'instrument finalement très populaire, l'instrument des Espagnols dans la Comedia dell'Arte, c'est-à-dire des gitans. Et donc Anne d'Autriche et Mazarin refusent et parlent d'une lubie. Qu'est-ce qu'il prend au roi? On n'a jamais vu un roi apprendre à jouer de la guitare. Et finalement, il maintient, il fait face à Mazarin et Mazarin va lui dépêcher de Mantoue, le plus grand maître de guitare d'Europe. Et la guitare va devenir très à la mode, comme tout à l'époque. Tout d'un coup, Lully l'utilise dans ses opéras, Watteau dans les tableaux, partout dans les hôtels particuliers à Paris, on a des cours de guitare. Ça devient véritablement à la mode. Mais ça nous montre bien finalement la fidélité de Louis XIV, parce qu'il s'attache beaucoup aux choses qu'il a aimées pendant son enfance et il va jusqu'à sa mort étudier, écouter des airs de guitare à son coucher. Ouais. Il va évidemment s'intéresser à tout ce roi, grand mécène. Un mot sur son amour du jardinage, des jardins, des orangers. Il deviendra même ami de le nôtre, tellement pour lui c'est important. Oui, ça pourrait être une émission en soi. Les jardins, c'est la passion la plus intime de Louis XIV. Hein. Les jardins de Versailles, de Marly, de Trianon, c'est véritablement un travail à quatre mains. Et tout cela en collaboration avec le nôtre, qui est aussi un personnage fascinant, de simplicité, de bonhomie, et avec qui il va collaborer pour réaliser ces jardins de Versailles, qui vont directement servir aussi le prestige du royaume. Hein. Là aussi, pour revenir à votre introduction, c'est politique les jardins. Ouais. C'est l'image du royaume, c'est la gloire du royaume. Et donc, ça participe à l'équilibre des puissances en Europe, hein, par ce rayonnement. C'est pas simplement pour la gloire personnelle du roi, ça n'existe pas. Le roi incarne la France. Par ce rayonnement, il y a un équilibre des puissances en Europe. Ouais. Venons-y à la dimension plus politique, celle qui est plus près du pouvoir. Louis XIV, c'est aussi donc cette conception du pouvoir, le pouvoir absolu du roi. Il va décider de gouverner seul. Extrait du film Le roi danse, réalisé en 2000 par Gérard Corbiot. On y entend Louis XIV, incarné par Benoît Magimel, en dialogue avec sa mère, Anne d'Autriche, qui elle est interprétée par Colette Emmanuel. Messieurs, madame, aujourd'hui la face du théâtre change. Jusqu'à ce jour, j'ai laissé gouverner mes affaires par mes ministres, sous la direction de feu le cardinal Mazarin. Désormais, je régnerai seul. Je gouvernerai par moi-même. Vous m'aiderez de vos conseils quand je vous les demanderai. Je vous ordonne de ne rien signer, pas même un passeport sans mon commandement. Vous savez mes volontés, messieurs. C'est à vous maintenant de les exécuter. Oui, vous ne prétendez pas gouverner sans Premier ministre. Si, madame. C'est exactement ce que je compte faire. Enfin, Louis, vous n'avez aucune expérience du pouvoir. La guitare, oui, cela vous connaît. Et la chasse. Et les balais. Mais l'État! Que savez-vous de l'État? Hélène Delalex, pourquoi Louis XIV tient tant au pouvoir absolu et surtout pour revenir à la personnalité de l'homme, qu'est-ce que ça nous dit sur lui? Déjà, absolu, on comprend mal ce que ça veut dire aujourd'hui. Absolu, ça ne veut pas dire suprême, ça veut dire divin. C'est-à-dire, c'est cette monarchie française de droit divin, ça veut dire que le pouvoir du roi, il provient de Dieu, symboliquement. C'est le sens du sacre. À la différence d'autres monarchies d'Europe, les Habsbourg, qui dépendent du pape ou de l'empereur. Donc, ça veut dire ça. Et finalement, cette monarchie, elle est souvent mal comprise. Et comment gouverne le roi? Il gouverne par arbitrage. C'est-à-dire qu'il écoute, en fait, Louis XIV, c'est un roi qui écoute. Au Conseil des ministres, il écoute. D'ailleurs, bien rapporté au roi, c'est une manière de se faire bien voir. Bien rapporté, ça veut pas dire tout lui raconter les petits ragots, ça veut dire faire un bon rapport clair, précis, circonstancié. Et par contre, une fois qu'il a écouté ses ministres, écouté tous les avis, il termine toujours le conseil par « je verrai ». Donc il le dit dans ses mémoires, il dit « ne jamais prendre une décision sur le moment ». Et ensuite, il décide seul. Et ça, par contre, c'est très important pour lui. Il veut non seulement régner, mais aussi gouverner. Et il y a toute une théorie chez lui d'assumer cette décision royale. Il dit « le roi, il a par définition le sens du bien commun parce qu'il est roi par nature, il ne vise aucune élection ». Et donc, il tient à assumer, à être résolu cette décision. Donc la décision royale, ce secret, il a cette belle formule, délibérer en soi-même, ce poids de la décision, il tient à l'assumer. Conscient de son pouvoir, conscient de ce qu'il veut laisser aussi. Il y a un aspect moderne. Louis XIV a le sentiment, j'ai l'impression, qu'il écrit l'histoire, il est soucieux de ce que l'on retiendra de ce récit. Oui, alors Louis XIV, mais aussi tout l'appareil qu'on appelait l'appareil de glorification du règne, dirigé par Colbert à la Petite Académie, c'est évidemment de travailler pour la postérité. Et l'élément majeur, ça va être l'architecture, les bâtiments qui vont laisser une trace à la postérité. Vraiment, aujourd'hui, ça peut nous paraître étrange, cette glorification, mais la glorification, c'est pas du roi lui, c'est de la France. Vraiment, ça c'est très important. La mort de Louis XIV, elle sera très théâtrale, un peu à l'image de toute sa vie, Hélène Delalex. Oui, je dirais ce mariage mystique comme ça entre le roi et son peuple, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et effectivement, il meurt comme une dernière scène d'une tragédie de Racine, comme ça, dans son lit devant des centaines de courtisans. Et je dirais, ça c'est aussi, on pourrait penser que Louis XIV, il montre que le meilleur côté, etc. Toute sa vie, il a été malade, il n'a jamais caché ses faiblesses, sa maladie, parce que finalement, il montre qu'il y résiste. Et ça, c'est encore beaucoup plus fort. Et il ne cache jamais ses infirmités, en fait. Et jusqu'au bout, il va faire preuve. Le PV d'autopsie qu'on a exposé à Versailles récemment dit il est gangréné jusqu'à la gorge quand il meurt. Eh bien, cette possession de soi-même, cette maîtrise de soi jusqu'au dernier instant, dans la souffrance la plus extrême, mais où il continue d'assurer sa fameuse journée, le Conseil des ministres, la messe, etc., jusque dans les derniers instants. Vraiment, c'est très important. Il tient tout, finalement. Il sait que si jamais il part, eh bien, il emporte tout avec lui, son siècle, Versailles. Donc jusqu'au bout, il tient à assumer ses responsabilités, vraiment jusqu'au dernier instant. Hélène Delalex, attachée de conservation au patrimoine au château de Versailles, merci infiniment de votre participation à l'émission. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.